Bienvenue à tous et à toutes sur Radio Fagette pour votre émission de vulgarisation scientifique Mi-Science Impossible. Mi-Science Impossible est une émission durant laquelle les agents Justine, bonjour Justine. Bonjour Bertrand et bonjour à tous. Gaëtan, bonjour Gaëtan. Bonjour Bertrand et bonjour à tous les auditeurs. Et moi-même, tous trois élèves à l'ENSIC, vous expliquent à chaque émission le fonctionnement de quatre phénomènes physiques ou chimiques. Juste pour information, l'ENSIC, c'est une école d'ingé située en vieille ville de Nancy dans laquelle on apprend comment fabriquer des produits chimiques, produire de l'énergie à grande échelle ou plus simplement passer de l'échelle du laboratoire à l'échelle de l'industrie. On y étudie la physique et la chimie dans le thème de l'énergie et de l'industrie. Il est à présent temps d'introduire les questions du jour. Justine, de quoi vas-tu nous parler ? Eh bien, il y a deux semaines, je vous avais parlé de la formation du pétrole. Et donc cette fois, nous verrons comment le traiter et ce qu'on peut en faire. Une continuité entre les émissions ? Que demander de plus ? Quel est le deuxième thème que tu vas aborder ? Eh bien, je parlerai de l'effet de serre dont tout le monde a déjà entendu parler un jour. Effectivement, mais on ne sait pas tous ce que c'est exactement. Nous comptons donc sur toi. Agent Gaëtan, nous faisons voile vers les flots avec toi, non ? Tout à fait. Aujourd'hui, nous parlerons de l'acidification des océans. Le sujet est vaste. J'ai hâte d'entendre ça. Et ensuite ? Eh bien, comme je vous avais parlé des systèmes pour générer de l'électricité dans la mer, aujourd'hui, je vous parlerai des éoliennes et plus précisément de leur fonctionnement. Après les mers, direction les airs, hein ? J'adore. Il est maintenant temps de commencer l'émission proprement dite. Justine, nous sommes toutes oui. Donc, grâce à notre précédente émission, vous savez maintenant de quoi est constitué le pétrole et comment il se forme. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez bien sûr aller réécouter ce passage grâce à nos podcasts. Alors maintenant qu'on a notre pétrole, qu'on est allé le chercher sous terre, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Eh bien, on va appliquer le processus de raffinage, qu'on peut faire dans une raffinerie donc. Et un certain nombre de personnes d'ailleurs, qui sortent de l'ENSIC, donc de notre école, se dirigent vers ce secteur. Le raffinage, c'est donc une succession de plusieurs étapes qui vont nous donner un certain nombre de composants au final. Je rappelle brièvement avant d'expliquer que le pétrole contient plusieurs molécules plus ou moins longues, constituées donc de carbone le C et d'hydrogène le H. Bien, rentrons dans notre raffinerie. On y trouve donc plusieurs installations à l'intérieur desquelles va passer notre pétrole liquide. Un élément qu'on trouve majoritairement parmi les installations, c'est ce qu'on appelle simplement des colonnes. Alors une colonne c'est quoi ? C'est comme un tube en verre qui peut faire plusieurs mètres de haut sur quelques dizaines de centimètres de diamètre. Et à l'intérieur, on y trouve différentes choses qui font qu'on a différents types de colonnes. Dans notre cas, on va surtout parler de colonnes à plateaux, car à l'intérieur de la colonne, il y a une succession de plateaux horizontaux. Pour vous représenter ça un peu plus facilement, on va assimiler notre colonne en fait à un grand immeuble avec beaucoup d'étages, et le sol de chaque étage, eh bien, ce sera le plateau de notre colonne. Alors, commençons le traitement de notre pétrole. On va d'abord le dessaler, donc pour enlever les traces de sel qu'il pourrait y avoir, tout simplement. On va ensuite le chauffer, tout simplement, dans un four, pour augmenter sa température. Il va enfin rentrer dans notre colonne, ou dans notre immeuble, on va dire vers le 2-3e étage. Il faut savoir que les colonnes sont elles-mêmes chauffées, donc la température est assez haute, environ 300-400 degrés quand même. La suite du processus repose sur les différences de température d'ébullition entre les composés du pétrole. Vous savez, la température d'ébullition, c'est là où on passe de liquide à vapeur, donc c'est 100 degrés pour l'eau par exemple. Les composés du pétrole qui a la température d'ébullition la plus basse va donc en premier passer sous forme vapeur et va alors très facilement monter vers le haut de l'immeuble. Le composé qui a une température d'ébullition un peu plus grande va monter un peu moins haut, quelques étages en dessous, ainsi de suite pour tous les composants, et celui qui a la température d'ébullition la plus haute va se retrouver en bas de l'immeuble, donc au rez-de-chaussée. Les vapeurs de chaque composé vont ensuite ressortir par, en gros, la fenêtre de leur étage pour qu'on les récupère et pour certaines, subir d'autres traitements. Mais je pense que ce que je vous ai expliqué suffit déjà pour visualiser le principe de base du procédé. Mais donc, quels sont ces constituants ? Eh bien, au sommet de l'immeuble, on va retrouver ce qu'on appelle le naphtha, qui après quelques transformations va être ce qu'on appelle communément notre essence, celle de nos voitures. Quelques étages plus bas, on a le kérosène. Quasiment tout en bas, on a le gazole. Et au rez-de-chaussée, voire même au sous-sol, on aura ce qui sera le fuel. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu, mais voici donc la fabuleuse histoire du pétrole. Fabuleuse est le mot. Néanmoins, avec toutes ces informations, je vais devoir réécouter l'émission pour être sûr de ne rien avoir loupé, je sais pas vous. On se retrouve tout de suite sur Radio Fagette après Fire Meet Gasoline de Sia. It's dangerous, too far in love but I wanna burn with you tonight, your heart on me. There's two of us, we're certain with desire, the pleasure's pain and fire. tonight. Burn with me tonight. Burn with me tonight. Eh, eh. Vous êtes de retour sur Radio Fagette dans votre programme Mission Impossible, où les agents Justine, Gaëtan et Bertrand vous démontrent que comprendre la science est loin d'être une mission impossible. Justine venait de nous parler du traitement du pétrole et de ses utilités. Et c'est maintenant à Gaëtan de rassasier notre soif de curiosité. Gaëtan, nous t'écoutons. Sans vouloir créer un climat alarmant dès le début de la chronique, si on ne veut pas courir à la catastrophe, il est impératif, on le sait, de diversifier la production d'énergie mondiale et donc en France. La production d'électricité à partir des éoliennes est un bon moyen pour complémenter la production des centrales nucléaires et de substituer à celle des centrales à charbon. De ce que j'ai pu trouver, selon EDF, en 2017, l'éolien représentait 4,5% de la production nationale d'électricité, ce qui en faisait la deuxième plus grosse source de production d'énergie renouvelable en France. Mais assez par les chiffres, rentrons dans la technologie. Comment ça fonctionne une éolienne ? Déjà, elle se compose d'un grand mât sur lequel repose une hélice que l'on appelle un rotor. Et cette hélice tourne grâce à la force du vent. Jusque-là, je n'apprends rien d'extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment l'éolienne transforme l'énergie cinétique du vent, c'est-à-dire l'énergie que crée une masse de vent qui se déplace à une certaine vitesse, en énergie électrique. Les pales qui composent l'hélice sont profilées comme les ailes d'un avion pour que la force que l'on appelle la portance les fasse tourner. Pour information, j'en avais parlé dans une émission précédente pour expliquer comment les avions font pour voler. N'hésitez pas à aller les réécouter. Exactement. Et c'est dans cette même idée que les pales des éoliennes sont designées. Donc, avec son mouvement de rotation, l'hélice entraîne avec elle un axe horizontal qui va se mettre à tourner et à son tour entraîner un générateur. Pour faire simple, c'est un gros aimant entouré d'une bobine de cuivre qui va être mis en rotation, et cela a pour conséquence de créer de l'électricité. C'est le principe d'une dynamo en fait. La dynamo, c'est ce qu'on retrouve dans les petites lampes qu'on emmène quand on part camper et qui émettent de la lumière quand on tourne la manivelle sur le côté comme des malades. Ah, et au fait, entre le rotor et le générateur, on a un ensemble mécanique, le multiplicateur, qui va booster la vitesse de rotation du générateur. Pour vous rendre compte, si on a une hélice qui fait 15 tours par minute, le générateur peut en faire 1800. Et cela permet à ce système d'être réellement efficace. Tout cela est contenu dans ce que l'on appelle la nacelle. Alors, je veux bien, c'est très bien tout ça, mais si l'éolienne pointe dans une direction, on va dire plein sud, et que le vent souffle dans une autre, plein ouest, c'est pas du tout efficace. Et peu importe le multiplicateur que tu mettras, bah, 0 fois ce que tu veux, ça fera toujours 0. Pas de panique. Les éoliennes sont dotées d'un système très intelligent qui va détecter le sens où la vitesse du vent est la plus grande et ainsi placer le rotor dans les meilleures conditions pour maximiser la production d'électricité. C'est ce qu'on appelle un anémomètre ultrasonique qui est en charge de tout ça. Anémo, ça vient de anémos qui veut dire le vent en grec, et mètre la mesure. Cet appareil possède sur lui des émetteurs et des récepteurs d'ultrasons qu'on appelle des transducteurs. Et ces transducteurs vont s'échanger des ondes en permanence. Les ondes qui vont faire des allers-retours entre les transducteurs vont voir leur temps de déplacement réduit si le vent souffle beaucoup, parce qu'elles iront plus vite que leur vitesse donnée au départ. Un système va alors calculer la direction où le vent souffle le plus, donc où le temps de parcours des ondes est le plus petit. Et ce système va ensuite ordonner à l'hélice et à la nacelle de se mettre dans cette même direction. Je vais terminer en vous parlant brièvement de l'éolien offshore, entendez par là les éoliennes posées en pleine mer, car les vents soufflent bien plus fort au large des côtes que sur les terres. Ces éoliennes produisent donc plus d'électricité, puisque les récentes éoliennes terrestres peuvent alimenter jusqu'à environ 2000 foyers français, contre 10 000 pour la meilleure éolienne offshore, et elle se trouve à Saint-Nazaire. Mais bon, elle coûte un peu plus cher à l'installation et à la fabrication, et surtout à déposer en plein milieu des flots. Ces deux technologies sont donc complémentaires. De l'énergie propre sur terre et en mer, si c'est pas beau tout ça. Et en plus, ça permettra peut-être de diminuer l'effet de serre. Mais d'ailleurs, c'est quoi exactement l'effet de serre ? Une idée, Justine ? Eh bien oui, avec toutes ces histoires de réchauffement climatique, vous avez sûrement dû entendre parler de l'effet de serre. Mais au fond, savez-vous vraiment ce que c'est ? Parlons d'abord un peu de soleil. Ce dernier nous envoie de l'énergie grâce à ses rayons. C'est avec cette énergie que l'air peut se réchauffer. Vous savez aussi sûrement que la Terre est comme enveloppée par l'atmosphère où se trouvent de nombreux gaz. Quand les rayons du soleil arrivent, soit ils pénètrent l'atmosphère et arrivent à la surface de la Terre, soit ils ne rentrent pas mais sont réfléchis. Donc ils rebondissent sur l'atmosphère et repartent vers l'espace. Ces derniers ne viennent alors pas réchauffer la Terre. Mais il y a également des rayons qui partent de la Terre cette fois. Donc la Terre libère de l'énergie aussi. Et ces rayons vont monter pour s'échapper de l'atmosphère. Et comme pour le Soleil, certains rayons vont réussir à la traverser et d'autres vont rebondir pour revenir vers la Terre. C'est grâce à ces deux phénomènes venant du Soleil et de la Terre qu'on peut avoir une température vivable sur Terre d'environ 15 degrés. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez une idée de quelle serait la température sur Terre sans cet effet de serre ? Je pense qu'il y aurait une énorme variation entre la face de la Terre au Soleil et celle qui serait dans l'ombre, mais aucune idée. Allez, je vais dire moins 4 degrés Celsius. Eh ben, c'est encore un peu moins que ça, ce serait d'environ moins 18 degrés. C'est plus trop pareil du coup. Et donc ce nom d'effet de serre, en fait, c'est en comparaison avec une serre, comme on trouve dans le potager où la température peut être assez haute et étouffante parce que l'air est confiné et que ça garde très bien la chaleur. Donc en fait, ce phénomène d'effet de serre est à la base un phénomène naturel et indispensable à la vie sur Terre. Et donc avec ça, on associe souvent les gaz à effet de serre. Parmi eux, on trouve le dioxyde de carbone ou CO2, le méthane qui est notamment rejeté par les vaches, l'ozone, vous connaissez sûrement la couche d'ozone, ou encore la vapeur d'eau. Ça peut paraître un peu étonnant parce qu'on pense que l'eau c'est inoffensif, mais pourtant si. Ce sont donc ces gaz qui vont empêcher plus ou moins les rayons et leur énergie de traverser. Pour maintenir notre température de croisière, on va dire, donc à environ 15 degrés, il faut en gros que l'énergie qui rentre soit égale à ce qui sort. Mais comme je disais au début, on associe souvent effet de serre à réchauffement climatique. Parce qu'il se trouve qu'il n'y a pas assez d'énergie qui sort par rapport à ce qui rentre. Et ce surplus d'énergie fait que cela engendre d'autant plus de chaleur. Et en fait, ces gaz, ils ne vont pas autant laisser sortir l'énergie que ce qu'ils devraient, parce qu'il y a trop de gaz, justement, en quelque sorte. Ça forme donc une barrière en plus. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut limiter les émissions de CO2, notamment, pour ne pas accentuer cet effet de serre. Donc en fait, l'effet de serre dont on parle tant n'est pas que néfaste pour nous, il a aussi des propriétés bénéfiques. Eh ben oui, en fait, il faut juste réussir à le moduler, c'est tout. D'accord. Bon, moi, je me coucherai moins bête ce soir. On se retrouve tout de suite sur Radio Phagette après Blowin' in the Wind de Bob Dylan. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Vous êtes êtes de retour sur Radio Fagette dans votre programme Mission Science Impossible où les agents Justine, Gaëtan et Bertrand vous démontrent que comprendre la science est loin d'être une mission impossible. Justine venait à l'instant de nous expliquer le fonctionnement de l'effet de serre. Et maintenant, Gaëtan va nous parler d'un phénomène peu connu, l'acidification de nos mers et océans. Et oui, pour faire un peu dans la continuité avec les chroniques précédentes, on sait que les activités humaines s'ajoutent à la formation naturelle de CO2, le dioxyde de carbone, et cela a un impact visible sur les océans. En effet, je vais vous montrer dans cette chronique comment une réaction chimique entre l'eau et le CO2 amène l'eau de mer à s'acidifier. L'océan et l'atmosphère sont deux grandes réserves de CO2. Le premier en contient un peu plus de 40 000 milliards de tonnes, il faut se les représenter, contre 829 milliards de tonnes pour le second. Si le premier chiffre vous impressionne, en fait cela est possible car le gaz se dissout dans l'eau, mais nous y reviendrons un peu plus tard. Et en fait, on peut dire qu'entre l'atmosphère et les océans, il y a un équilibre. Chaque année, ils s'échangent à eux deux à peu près 80 milliards de tonnes de CO2. Ces échanges proviennent notamment du CO2 qui est proche de la surface de l'eau et qui passe d'un milieu à un autre et inversement. En fait, quand le dioxyde de carbone de l'atmosphère se retrouve proche de la surface, il se dissout dans l'océan. C'est-à-dire que le CO2 sous forme gazeuse dans l'atmosphère va passer dans l'eau. C'est ce même dioxyde de carbone qui est dissous dans le Coca-Cola pour faire des bulles et donner le côté pétillant. Mais tout le CO2 présent dans l'atmosphère ne peut pas se dissoudre dans l'océan, sinon il n'y aurait plus dans l'atmosphère et on aurait moins d'effet de serre. En effet, il y a une limite au passage de l'air à l'eau. C'est ce qu'on appelle la solubilité. Alors, la solubilité du dioxyde de carbone, c'est la quantité maximale de gaz que l'on peut mettre dans un litre d'océan, entre guillemets, avant de le saturer. Plus la solubilité est grande, plus on peut mettre de gaz dans un litre d'eau. Et c'est à partir de là que nous allons parler d'acidification. Quand le CO2 est dissous dans l'eau, il va y avoir une réaction chimique avec celle-ci, et cela va donner plusieurs produits dont un seul va nous intéresser particulièrement, l'ion hydrogène, que j'appellerai parfois H+, par la suite, et qui est un cation. Pour rappel, un cation, c'est une espèce qui a perdu un électron. Donc H+, est un atome d'hydrogène à qui il manque un électron. Et il est très important car en chimie, on définit l'acidité en fonction de la concentration en H+, dans un liquide, donc la quantité présente dans un certain volume d'eau. Plus il y a d'ions hydrogène, plus le milieu est acide. Et on mesure cette acidité en lui donnant une valeur que l'on appelle pH, pour potentiel hydrogène. Le pH varie en général entre 0 et 14. Et pour vous donner une échelle, l'eau est le composé neutre avec un pH égal à 7. Le coca, pour y revenir, est une boisson acide puisqu'elle a un pH de 2,5, tout comme le jus de citron. Et l'eau de mer est un milieu qu'on appelle basique avec un pH de 8,2. Les composés les plus basiques que vous pouvez retrouver chez vous sont vos produits ménagers. Donc, le CO2 qui réagit avec l'eau libère des ions hydrogène H+, qui rendent l'eau de mer un peu plus acide, car on le voit à son pH qui diminue. Mais en quoi cela est-il dangereux ? Eh bien, en fait, ça pose problème par rapport aux espèces sous-marines. Pour un bon nombre d'entre elles, une coquille faite de calcaire les compose. Malheureusement, le calcaire ne tient pas et ne peut pas se former dans les milieux acides. Une petite expérience que vous pouvez faire pour vous en convaincre est de plonger un œuf dans un verre de vinaigre et vous verrez sa coquille qui sera rongée par l'acidité du liquide. Même si l'océan n'en est pas encore à ce point, son acidification pose quelques soucis et des conséquences sont déjà visibles sur les coquilles de certains escargots, de mollusques comme les moules et les huîtres. Tout cela peut d'une part impacter la chaîne alimentaire et donc toucher des espèces qui ne subissent pas directement le manque de calcaire. Enfin, les récifs coralliens en sont formés en grande partie, donc si le calcaire ne peut plus exister sous l'eau, ce sont des centaines d'espèces qui sont ou seront privées de leur habitat naturel. En fait, l'important ici, c'est pas de se dire c'est foutu, c'est juste de sensibiliser le plus grand nombre à ce phénomène pour qu'ils en aient conscience, parce que mine de rien, c'est juste une pollution atmosphérique qui est entre guillemets transférée dans nos océans, ça. C'est ça, et les changements d'habitude de consommation et la prise de conscience des phénomènes climatiques sont importants, donc c'est pour ça que je voulais en parler. Ben, merci à toi. Et c'est maintenant l'heure du quiz. Alors, au moment où nous on enregistre ça, nous sommes le jeudi 14, il a neigé. C'est la première fois de l'année que la neige tient, et tant qu'à faire, nous allons donc faire un quiz sur la neige. Super. Tant qu'à faire, sinon c'est pas drôle. Enfin, la neige, mais pas que. La neige et aussi la fraîcheur. Parce que, mine de rien, il fait pas chaud, mais il fait pas si froid que ça. D'ailleurs, à votre avis, quelle est la température la plus froide enregistrée en France? Est-ce moins 19,8 degrés Celsius à Marseille en février 1956? Est-ce moins 23,9 à Paris en décembre 1879? Est-ce moins 36,7 à Mout? Oui, c'est une ville qui existe vraiment, c'est dans le Doubs, c'est à côté de la frontière avec la Suisse, en janvier 68. Ou est-ce moins 42 à Mout, encore une fois, dans le Doubs, en janvier 85? Allez, je vais pencher pour moins 42. Moins 42 pour Gaëtan. Mais il n'y a pas longtemps, parce qu'on est un peu dans une petite vague de froid quand même, il n'y a pas longtemps, il y a eu moins 20 et quelques, je ne sais plus où en France malheureusement, mais il n'y a pas longtemps, donc il y a eu moins 20 et quelques, donc j'hésite entre moins 20 et moins 30, mais je vais plus aller sur moins 30 et quelques, je ne sais plus exactement comment c'était. C'est moins 36,7 à Mout. Ouais, bah je vais dire ça. D'accord, bah l'un de vous deux a raison. Mout est un village très particulier parce qu'il détient lui tout seul les trois températures les plus basses enregistrées en France. Et ben. Moins 42. Donc, c'était effectivement toi, Gaëtan, qui avais raison. Et ben, moins 40,5 et moins 36,7. Il y a eu un peu des vices dans cette question, mais j'aime beaucoup. Je m'attendais à ce que vous choisissiez le moins 36,7, mais vous n'êtes pas tombé dans le piège. C'est bien. Enfin, je Gaëtan n'est pas tombé dans le piège. Je rentre dans ton cerveau un peu. tu sais pas quoi y trouver, fais attention à toi. Nous avons parlé de froid, maintenant nous allons parler de neige. Eh ben oui, la neige. Merci Justine. Donc, quelle région en France détient le record des plus hautes chutes de neige actuelles? Est-ce la Haute-Savoie ou est-ce les Hautes-Alpes? Moi je vais dire les Hautes-Alpes. Les Hautes-Alpes pour Gaëtan. Bah, c'est vrai que les Alpes, c'est quand même là où on parle souvent des Alpes pour les pistes de ski, tout ça. Donc, je pense que la neige va être pas mal. Donc, je vais aussi dire les Alpes. Eh bien, je suis content. Parce que les Alpes ont effectivement... Enfin, il y a des chutes de neige qui sont assez importantes tous les ans. Hein. Certains endroits dans les Alpes ont plus de 12 mètres de neige qui tombent chaque année. Ah oui. Néanmoins, c'est en Haute-Savoie que le record est établi, avec un petit village de Haute-Savoie qui reçoit tous les ans entre 15 et 16 mètres de neige. Ouf, j'ai bien. Et d'ailleurs, la galère pour circuler. Ça, tu c'est vrai. D'ailleurs, petite information, le record de ce qui est tombé en neige en une seule journée, c'est aussi un village de Haute-Savoie qui le détient. Le nom du village s'appelle Avoriaz. Et le 9 janvier 1999, il y a 4,5 mètres de neige qui sont tombés en 24 heures. C'est possible, ça? Je ne savais pas non plus. C'est énorme. Là, nous allons pas pouvoir sortir des frontières françaises. Je vais donc reposer la même question que précédemment. À votre avis, quel est le record absolu de neige en un an dans le monde? Bon, ce n'est pas au Sahara. En termes de hauteur ou en termes de hauteur? Allez, 28. 28 mètres. 28. Je dis plus. Ah, j'ai aucune notion de ce que ça peut faire, mais... Pareil. 28, ça commence à faire quand même. Pour un immeuble, tu comptes à peu près 3 mètres l'étage. 28, ça fait quand même un petit peu plus de 8 étages quand même. Ça commence à faire. Donc c'est plus de 28 mètres. C'est plus de 28 mètres. Mon Dieu. 37, je monte un peu. Alors, quand même pas. Un petit peu en dessous. 34. Encore un peu en dessous. 32. C'est à peu près ça. À peu près 31,50 m sont tombés au Mont Rainier pendant l'année 1971. Et pour vous donner un petit paramètre géographique, le Mont Rainier, c'est en Alaska. Bon, ouais, on comprend un petit peu mieux, mais oui, c'est un peu. Ça reste quand même quasiment 32 mètres de neige, ce qui fait un bon petit immeuble de 10 étages et demi. Malheureusement, il est déjà l'heure de s'arrêter là. C'est ainsi que s'achève cette émission de Mi-Science Impossible. J'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que vous aurez passé un bon moment en notre compagnie. N'hésitez pas à venir sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Vous pouvez venir y poser vos questions et nous y répondrons peut-être dans une émission future. On se retrouve dans 2 semaines, le vendredi 5 février à 16h. D'ici là, prenez soin de vous, surtout en ces temps difficiles. Au revoir. Salut à tous. À la prochaine.